Ce soir je tourne dans la ville, accompagné de mes gars. Mais je suis dans mon délire. Ce soir je ne rentre pas. Faut qu'on pète quelques copines. T'as concédé tes braves. On s'est compris. Ce soir je vais me mettre sous Chaparro. Chaparro, Chaparro, Chaparro, Chaparro. Emballez-vous Chaparro, Chaparro, Chaparro, Chaparro. Là je suis dans la ville de Manguero. Manguero, Manguero, Manguero. Quand je suis Chaparro, je bois pas d'eau. Chaparro, Chaparro, Chaparro. J'suis dans mon check, faut que ton brassard. Y'a que des numéros. Toujours ces mêmes clochards qui se jouent les numéros. Pour tous ces fils de bâtards, j'ai un peu pour sous mon lit. Gros, j'vise le 4x4, donc j'm'en bats les couilles d'être en. Musicalement, j'suis trop loin, j'suis pas là pour la déco. Ils donnent tous à fond, moi dessus, Chaparro. Mais sont tous à la ramasse avec des pointettes. La soeur, j'peux lui faire ses fesses. 2-3 mixettes et couler des kilos, tout ça dans le même mois. Et ouais, je sais que je ne sais pas rapper. Mais ton rappeur n'aura pas mieux que moi. Une prod d'Equinox pour me branler. 2-3 flots pour les faire bander. Un tube pour leur mettre une branlée. Tu veux de la gueule de Robin, t'as qu'à demander. 3 bouteilles pour se fonder. Ma paranoïa pour les conder. Je veux des sous jusqu'à plus pouvoir en compter. Ce soir je tourne dans la ville, accompagné de mes gars. Mais je suis dans mon délire. Ce soir je ne rentre pas. Faut qu'on pète quelques copines. T'as concédé tes braves. On s'est compris. Ce soir je vais me mettre sous Chaparro. Chaparro, Chaparro, Chaparro, Chaparro. Emballez-vous Chaparro, Chaparro, Chaparro, Chaparro. Là je suis dans la ville de Manguero. Manguero, Manguero, Manguero. Quand je suis Chaparro, je bois pas d'eau. Chaparro, Chaparro, Chaparro. J'suis fucked up tous les soirs et je fais plein de fois la guerre à mon foie. J'ai dit à Jack et Daniel de ne pas me faire cracher trop vite, ce soir ça va de soi. Merde, j'ai fumé mon bénéf aussi vite que mon pote et les Zahel. J'suis mignon, j'accoste une grosse trop moche avec un gros boule à la Nicki Minaj. La foncée elle est bonne, le son il est bon, je ne danse pas, je m'ouvre. Maline m'a fait tellement dodo que j'ai sûrement loupé beaucoup de flous. J'ai entendu que l'alcool c'est de l'eau, j'suis passé au sirop solo. J'pense être un salaud, apprécier des salopes. J'plane dans les airs quand t'es fonce des gros, tu ne danses pas, tu moves. Ça représente ma vie quand tes potos m'envient et la folie m'emmène. Surtout parce que je vis ce que t'appelles platine et tes rappeurs m'emmerdent. J'ai rodé un peu tout Paris, le super Tupperware remplit beaucoup d'herbe. C'est vrai que le temps c'est de l'argent et de l'argent j'en perds quand j'apprécie tes fesses. Ce soir j'tourne dans la ville, accompagné de mes gars. Mais j'suis dans mon délire. Ce soir je ne rentre pas. Faut qu'on pète quelques copines. T'as concédé tes braves. On s'est compris. Ce soir je vais me mettre sous Chaparro. Chaparro, Chaparro, Chaparro, Chaparro. Emballez-vous Chaparro, Chaparro, Chaparro, Chaparro. Là j'suis dans la ville de Manguero. Manguero, Manguero, Manguero. Quand je suis Chaparro, Chaparro, Chaparro, Chaparro. J'suis sous Chaparro. Comme ça j'ai tout dans la tête. Pas besoin de feuilles, pas de stylo. De la rue, je suis un poète comme tonton Mélophilo. Toi, tu n'intéresses personne comme les cours de philo. Et tu veux me test, négro, un négro. Parce que t'as bu deux, trois verres, tu fais blague, tu te sens chaud. Dans le club, tu t'affiches, tout le monde sait que t'es qu'un faux. Je veux sincère la info, juste pour l'info. Et je te refroidis comme mon Chaparro dans mon sang. Mais négro, te trouveras un négro, sors de ce rock. Y'a pas me test, encore un tafeu, mais te contrôle. Le michetot, tu l'as dépoché, mon merco. Que t'as besoin de retourner chez ta mère en métro. Bébé, je sais que t'aimes quand j'innove. Mais je sais qu'elle aime baiser sur du DMX. Ce soir je tourne dans la ville, accompagné de mes gars. Mais je suis dans mon délire. Ce soir je ne rentre pas. Faut qu'on pète quelques copines. T'as concédé tes braves. On s'est compris. Ce soir je vais me mettre sous Chaparro. Chaparro, Chaparro, Chaparro, Chaparro. Emballez-vous Chaparro, Chaparro, Chaparro, Chaparro. Là je suis dans la ville de Manguero. Manguero, Manguero, Manguero. Quand je suis Chaparro, je bois pas d'eau. Chaparro, Chaparro, Chaparro. Production présente.